que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Au milieu des années 1820, Henri Berton reprochait à Rossini de faire de la musique trop mécanique. Le travail à la chaîne n'avait pas encore été théorisé par les grands industriels américains qu'on reprochait déjà aux compositeurs d'avoir des procédés huilés comme une usine capable de générer un opéra en 3 semaines. 2 siècles plus tard, il suffit de mettre un paquet de partitions d'un Bach, d'un Mozart ou d'un Rossini dans un logiciel pour générer automatiquement d'autres œuvres dans le style du dit compositeur. Pour enquêter sur ce que l'intelligence artificielle peut générer en musique, nous avons installé les micros de Métaclassique à l'IRCAM pour rencontrer Philippe Essling, maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur à l'IRCAM en intelligence artificielle musicale, et Léopold Crestel, chercheur au laboratoire Sony CSL. Avant d'ouvrir la discussion, voici l'exécution au piano d'une partition générée par le chercheur David Kopp, qui a créé à la fin du XXe siècle un algorithme capable de produire à la chaîne des partitions dans le style d'un autre compositeur adulé dans les années 1820, Frédéric Chopin. C'était donc une pièce de Chopin qui n'est pas vraiment de Chopin, mais qui est générée par un ordinateur à partir de calculs informatiques produits par David Kopp. Bonjour Philippe Essling. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a fait, ce David Kopp, qui est donc un chercheur américain qui a presque 80 ans aujourd'hui? Oui, alors David Kopp a été un des précurseurs dans le domaine de la génération automatique de musique. Donc l'idée, en fait, généralement, dans tout ce qui tourne autour de la génération musicale, c'est d'abord de construire un modèle. Donc un modèle, c'est, on va dire, une suite d'outils mathématiques qui permettent d'imaginer comment on pourrait structurer la musique à partir juste de l'observation d'exemples. Donc c'est ce qui est prévalent actuellement dans tout ce qui est l'intelligence artificielle et notamment l'apprentissage automatique. Donc l'idée, c'est de construire un modèle du monde et construire notamment un modèle du monde musical. En l'occurrence, David Kopp utilise ce qu'on appelle les chaînes de Markov. Donc les chaînes de Markov, en fait, c'est un automate. Un automate, c'est assez simple à comprendre. C'est par exemple, quand on va taper le code de sa porte d'entrée, par exemple. On a une suite de chiffres à faire. Et donc, tout chiffre erroné va nous ramener à l'état initial, qui est un état où on n'a absolument rien rentré de correct. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, par rapport à la musique, voir la musique comme une suite d'états. Et donc, chaque état peut amener à un état suivant. Et donc, ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle une chaîne, donc une chaîne d'événements, une chaîne d'états. L'hypothèse markovienne, c'est dire que le monde, à un état donné, n'est uniquement déterminé que par l'état précédent. Donc ça veut dire, peu importe l'ensemble des états par lesquels on est passé, y a la détermination de l'état suivant n'est faite que par rapport à l'état courant. Oui, il y a de la causalité qui traîne quelque part, reste à la trouver. C'est ça. Mais comment il détermine, parce que certes, il fait donc tourner une intelligence artificielle pour repérer des récurrences, mais sur quel type de récurrence est-ce qu'il achoppe ? Par exemple, comment est-ce qu'une chaîne de Markov peut être sensible à des phénomènes de modulation ou de taille de phrase, tout ce qui peut être musicologiquement balisé comme faisant le style de Chopin ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que généralement, on va d'abord appliquer un ensemble d'opérations de pré-traitement, donc par exemple ramener absolument tout à la même clé, donc s'assurer en fait qu'on réduit justement les variations qui vont être dures à traiter, et essayer d'uniformiser l'ensemble de départ pour s'assurer qu'en fait on va justement regarder des choses comme les intervalles, etc., plutôt que de regarder la valeur absolue de la note. Donc ça nous permet en fait justement de cibler, d'où la notion d'établir un modèle de fonctionnement de la musique pour arriver à cibler des récurrences plus simples en fait pour l'ordinateur. Alors si on fait entendre ça à des mélomanes un peu avertis, les types d'incohérences de style qu'ils vont repérer, ça va être précisément sur le cadençage des phrases, enfin des choses que n'aurait pas vu alors cette chaîne de Markov. C'est ça. Alors justement, même encore aujourd'hui, je pense, dans l'apprentissage automatique et même dans les modèles avancés de réseaux de neurones qu'on entend, le gros problème et ce qui va tout de suite être significatif et même qui va choquer l'écoute, c'est vraiment la construction du discours sur une échelle temporelle assez longue. Ça veut dire que localement, on va généralement être assez bluffé par la cohérence qu'on obtient sur des phrasés assez courts. Mais par contre, on a toujours cette difficulté à construire des répétitions à grande échelle, donc avoir un vrai discours cohérent qui va s'étaler sur plusieurs minutes, par exemple. Léopold Crestel, vous avez aussi généré des partitions automatiquement à partir de grands romantiques. Pourquoi vous avez choisi justement cette génération de compositeurs ? Bonjour. Bonjour. Donc j'ai choisi cette génération. En fait, c'est en grande partie pour des raisons un peu pratiques, pour être capable d'imiter le style d'un compositeur et faire de l'apprentissage automatique sur un corpus, il faut un grand nombre de partitions. Et c'est, par exemple dans le cas de Beethoven, c'est, on a un grand nombre de partitions à disposition et on peut facilement du coup, les utiliser pour faire apprendre l'algorithme à composer dans son style. Donc voilà, c'est essentiellement pour des... Et puis Bach aussi fait partie des compositeurs qui ont été notamment travaillés par David Cobb. Pourquoi ? Et donc Bach, alors par David Cobb, je ne sais pas pourquoi, mais Bach s'est énormément utilisé en informatique musicale aussi pour une raison simple, c'est que c'est une musique qui a été très analysée, qui a des règles très strictes, par exemple d'éviter les quintes parallèles, les octaves parallèles, qui est très codifiée en un sens, qui a une structure très... comment dire, logique, par exemple les chorales avec une harmonie à quatre voix, voilà, c'est quelque chose qui est assez bien compris et qui est en un sens assez facile à modéliser pour un algorithme. Vous travaillez avec Gaëtan Adjérès au sein du laboratoire Sony CSL. Gaëtan Adjérès, lui, il a généré des chorales de Bach automatiquement. Oui. Comment il a fait ? Il n'a pas fait comme David Kopp. Il n'est pas passé par cette chaîne de Markov dont nous parlait Philippe à l'instant. Non, donc il n'est pas passé par des chaînes de Markov. Par contre, ça reste des modèles probabilistes. Donc c'est vraiment des modèles probabilistes et causaux. Donc quelque chose qui va regarder ce qui vient d'être généré par l'algorithme lui-même et qui va du coup donner une distribution de probabilité, une espèce de dé à lancer pour prédire la prochaine note qui doit être jouée. Et donc en générant ainsi de suite les notes les unes après les autres, on peut à chaque fois, donc on appelle ça sampler, mais en gros c'est vraiment comme lancer un dé pour choisir la prochaine note qui va être jouée en fonction du contexte et de ce qui a déjà été généré auparavant. Donc en gros l'idée est vraiment la même, c'est juste le modèle qui permet de représenter la probabilité pour la note suivante est plus complexe. Donc on peut avoir plus de surprises, on peut avoir par exemple sampler des... Dans les chaînes de Markov, quand on écoute bien, on a vraiment souvent le sentiment que c'est un peu genre... l'algorithme a réagencé des phrases qu'il a déjà entendues. ça a un petit côté genre copy-pasta. Tandis qu'avec les modèles un petit peu plus réseaux neuronaux que nous, on utilise, c'est des modèles plus complexes et on a un peu plus de liberté et d'expressivité dans le modèle. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est ce que l'algorithme développé par Gaëtan Adjeres produit, oui, sous forme de chorale de Bach. Oui. Et alors, il peut aussi harmoniser à la façon de Bach une mélodie que l'on connaît. Oui, c'est ça. Donc par exemple, ouais, des petits thèmes de jeux vidéo, des choses comme ça. Ce qui est un peu anachronique, mais oui. ce qui permet d'écouter les deux à la fois. Vous, Léopold Grestel, vous avez travaillé sur les partitions de Beethoven, comme vous l'annonciez un petit peu tout à l'heure. Oui. Mais pour une raison assez simple, c'est que Franz Liszt avait transcrit ses symphonies en partition de piano, ce qui vous a permis d'établir un certain nombre d'analogies entre les deux. Oui, voilà. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en gros, il y a besoin d'un grand nombre d'exemples pour inférer les règles sur lesquelles se base ce genre d'algorithme. Et du coup, le corpus des réductions pour piano de Liszt, des symphonies de Beethoven, ça donne un corpus assez grand, très cohérent stylistiquement, sur lequel on peut apprendre donc une transformation qui, cette fois, serait réaliser l'orchestration d'une partition pour piano. Donc on prend une partition pour piano, on la donne en entrée algorithme et il génère un arrangement pour orchestre de cette partition pour piano. Donc si on met le début de la cinquième symphonie, donc là je vais mettre... On a aussi la version pour piano de Franz Liszt. Vous faites pour décoder ce que Liszt a fait quand il a transcrit pour piano, pour ensuite vous projeter ce que c'est que d'orchestrer. Ouais. Donc nous on fait le chemin inverse. Vous allez faire le chemin inverse sur la base du chemin de Liszt, mais comment vous le décodez ou l'encodez? C'est-à-dire vous passez pas par la chaîne de Markov? Non. Pour faire la comparaison entre les deux partitions, la partition pour piano et la partition pour orchestre. Non. Donc là, c'est des modèles un peu plus complexes. Mais tout à l'heure, je disais qu'on pouvait conditionner, donc calculer une distribution de probabilité pour chaque note dans les chorales de Bach, conditionnée par ce qui avait été généré précédemment. Donc juste, en gros, une condition causale. Et là, on peut faire exactement la même chose. On peut essayer de sampler chaque note de la partie d'orchestre en fonction de ce qui a été joué précédemment. Mais on peut aussi la conditionner sur la partition pour piano qui correspond. Donc on donne en entrée au modèle l'ensemble de la partition pour piano et on lui fait générer les notes des instruments les unes après les autres. Donc là, il y a aussi une très forte différence dans ce cas-là, c'est que la structure harmonique, mélodique et rythmique du morceau, elle est entièrement connue par le modèle à l'avance vu qu'elle est entièrement contenue dans la partition pour piano. Donc c'est vraiment juste la tâche d'essayer de mapper cette structure harmonique, rythmique et mélodique vers un ensemble d'instruments. Donc il y a plus vraiment, enfin il y a moins les problèmes de cohérence long terme. C'est plus vraiment un problème de répartition, de compréhension, un peu comme si la fonction, ce qu'un humain ferait pour orchestrer, c'est d'analyser la partition pour piano, repérer ses éléments structurels et les associer à des instruments différents. Donc là, c'est un peu la tâche de l'algorithme. Donc vous avez fait comme si l'orchestration, c'était ce qu'aurait fait Beethoven si, au lieu de composer ses partitions, il les avait orchestrées à partir de la version de piano que Liszt en a fait. Oui, en gros, c'est ça. Bah, en fait, le choix du corpus, il est vraiment juste pour une question pratique de... D'accord, parce qu'on a les deux corpus disponibles. On voulait juste avoir beaucoup de partitions pour piano, beaucoup de partitions pour orchestre. Pourquoi il en faut beaucoup ? Alors, il en faut beaucoup parce que donc l'apprentissage de ces règles, c'est de l'inférence statistique. Et en gros, plus vous avez un grand nombre d'exemples, plus vous allez pouvoir modéliser des chemins différents et un grand nombre de solutions possibles et différentes. Alors, vous vous êtes amusé de cette façon-là, enfin, je ne sais pas à quel point c'était un jeu, mais à orchestrer la partition pour piano de Modeste Moussorgski, les tableaux d'une exposition. Mais là, vous aviez la réponse à disposition, puisque Maurice Ravel en a fait une orchestration. Oui, bah, ça c'est... justement, comme vous dites, moi c'était un peu un jeu, parce que, en gros, les tableaux d'une exposition, avec Philippe, déjà c'est une partition qu'on Philippe, vous êtes aussi l'encadrant de Léopold sur ce travail. C'est parti. Alors, j'aimerais juste ajouter quelques précisions. Déjà, c'est intéressant de dire on avait la réponse à disposition. En parlant des tableaux d'une exposition, qui est une des pièces qui a été les plus orchestrées. Oui, il y en avait plusieurs réponses, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment une réponse. Et c'est ce qui est intéressant dans ce genre de modèle, c'est qu'en fait, on ne peut pas parler d'une bonne ou d'une mauvaise réponse, qui est une des plus grosses problématiques, je trouve, dans l'orchestration. Et aussi, pour répondre à une autre question qui est pourquoi avoir besoin d'autant de partitions, il faut se poser la question du domaine. Le domaine, j'entends, si on prend que les chorales de Bach, on est stylistiquement dans quelque chose de très homogène. Et donc, quand on a quelque chose de très homogène et très couvert, on n'a pas forcément besoin d'avoir une grande diversité, parce qu'en réalité, on va rapidement faire le tour. Il faut s'imaginer un espace ou une feuille de papier dans lequel on a besoin de savoir délimiter un groupe. Et donc, si ce groupe est un groupe qui est plein de points au même endroit, dans ce cas-là, on peut très facilement... en fait, avoir l'ensemble des possibilités autour de quelque chose. Oui, mais ce qu'on dit au passage, c'est que le style de Bach est plus facile à appréhender pour un algorithme que le style de Moussorgski, alors ? D'une manière, oui, dans le sens où... C'est pas grave, mais... il y a une histoire d'époque aussi, et même de technique compositionnelle. Le chorale de Bach, c'est très encadré. On a quatre voix, on a quand même quelque chose qui vient presque du chant liturgique. Donc, quelque part, stylistiquement, on est très, très cadré. Et pourtant, pour avoir la structure temporelle, donc c'est là que l'algorithme de Gaétan, par exemple, va regarder un temps beaucoup plus long. Ici, on se pose une question qui est quand même, j'ai l'impression, centaines, milliers de fois plus complexe, qui touche à l'orchestre, qui touche à beaucoup de périodes. Et donc, on a forcément un besoin de données qui est bien plus important. Alors, écoutons donc la version piano et puis l'orchestration que vous en avez faite, Léopold. Et maintenant, peut-être la version Ravel. Thank you. Léopold, qu'est-ce que, quand vous recevez ce que la machine vous donne, qu'est-ce qui vous fait plaisir ou pas? Quels sont vos critères? Quels sont mes critères? C'est, ben en fait, pour l'instant, comme c'est quand même pas un travail extrêmement, voilà, c'est encore en cours de progrès, il y a encore beaucoup de défauts dans les algorithmes, je m'attache à des choses très simples, très bas niveau dans l'écriture, qui sont des choses de conduite de voix, d'équilibre des voix entre les registres aigus et graves, de faire attention que, juste à des choses bêtes, mais que genre l'écriture soit assez cohérente pour tel type d'instrument. Je sais pas, par exemple, des écarts de notes qui seraient un peu difficiles pour, je sais pas, pour certains instruments, pour de regarder s'il n'y a pas trop ce genre de choses. Et surtout, ouais, c'est ça, la continuité, enfin, ce qu'on appelle conduite de voix, voice leading, ce genre de choses. Donc des choses très pratiques, techniques d'écriture orchestrale. Philippe Esling, comment on encadre une recherche comme celle-ci? C'est-à-dire, quelles sont les impasses scientifiques dans lesquelles il ne faudrait pas tomber? Il y a des risques à se perdre quand on fait ce type de recherche ou... Ah, bon, non, c'est pas vraiment qu'il y ait des risques à se perdre, c'est qu'on a une volonté de se perdre. Je trouve que, bon, c'est une idée personnelle, mais pour moi, une thèse qui dévie pas, c'est une thèse de merde. Donc, c'est plus intéressant, justement, de voir à quel point on peut se perdre et dans quelle direction ça peut nous amener. Après, des risques, il y en a énormément quand on parle de recherche. Je veux dire, enfin, il y a beaucoup de thèses qui, au final, démontrent une impossibilité. C'est vrai que pendant quelques temps, on n'avait absolument aucun résultat intéressant. Aussi parce qu'on a ce parti pris, et qui, à mon avis, est la vraie difficulté et le parti pris de toutes ces recherches, c'est de faire des modèles qui n'ont pas un savoir, donc un biais inductif fort. Parce qu'on pourrait très bien aussi se simplifier la vie, et tous les critères que Léopold cite, par exemple, équilibre dans les registres, ou le voice leading qui soit... Enfin, c'est quoi le voice leading? Pardon, la tenue de voix, dans le sens, quand on a justement plusieurs voix, généralement, on a une voix principale, par rapport à l'harmonisation. En fait, d'un côté, on a la conduite de voix, et donc de l'autre, on a les instruments de soutien dans l'harmonie. C'est quelque chose qu'on pourrait aussi inclure au modèle, et donc le forcer, donc un peu lui imposer notre savoir à l'avance, alors que justement, tout le pari un peu de cette thèse magnifiquement conduite par Léopold, a été de savoir si on pouvait, sans mettre de biais inductif, retrouver des choses qui nous paraissent logiques vis-à-vis de nos propres biais inductifs. C'est ça, c'est qu'il fallait suffisamment faire confiance à la machine pour lui dicter le moins possible, pour qu'elle donne le plus possible, c'est ouais. Ça le jeu. Ouais, ça. Ouais. C'est un peu les, ouais, genre, ça, approche agnostique dans le sens ouais. Où on ne force pas une connaissance théorique musicale a priori. Dans le... Mais des fois on force sans le vouloir, c'est ça qu'il faut réussir à soigner. Oui. Bah, non, si de lui-même l'algorithme arrive à extraire des règles qui nous semblent cohérentes et qui ressemblent aux règles que nous connaissons en musique, dans ce cas-là, bon, pourquoi pas, c'est bien. Alors, moi j'aimerais bien compléter parce que je trouve qu'il y a un argumentaire qui est très intéressant et je pense que tu as raison, David, de dire ça. C'est que quelque part, il y a un biais inductif qui est caché et un peu sournois dans la sélection du modèle qui est faite a posteriori. Parce qu'en fait, on ne met pas de règles inductives, on ne met pas de biais dans la construction du modèle, mais ensuite on sélectionne le modèle qui colle le plus aux règles qu'on espère le voir découvrir. Donc c'est vrai que ça, c'est tout un problème. Et d'ailleurs, c'est un peu une des questions actuelles dans l'apprentissage automatique, qui est est-ce qu'on a la capacité de ce qu'on appelle l'adaptation de domaine? Ça veut dire on choisit des modèles qui, on va dire, collent à nos espérances. Et donc, par là, on crée un biais inductif. Mais est-ce que ces modèles sont capables de généraliser? Et c'est là que, par contre, on s'assure quand même que c'est relativement objectif, parce qu'on va le tester sur un ensemble qui est inconnu au départ. Mmh. Donc, Léopold génère de fait essentiellement des partitions, parce que ces partitions pourraient très bien être données à un orchestre qui voudrait jouer des pièces initialement du répertoire pour piano. Philippe Esling, vous, votre travail, c'est de générer des audios à partir d'audios existants, c'est-à-dire que vous êtes capable d'orchestrer des bruits. Oui, effectivement. Alors, mon travail, il y a beaucoup de choses dans mon travail, mais cette recherche donc, qui était en réalité de prendre, faire un peu ce qu'on aime appeler l'opération inverse, l'opération d'induction. Donc, l'idée, c'est qu'on appelle le travail de Léopold l'orchestration projective, dans le sens où on a une grille harmonique et on essaye de projeter vers l'orchestre. Là, on essaye en fait de faire l'inverse, c'est-à-dire de prendre un son, un timbre particulier, et de se demander est-ce qu'on peut trouver une partition pour orchestre. Donc c'est pour ça qu'en fait on parle plutôt de passer de l'audio vers la partition, parce que ce qu'on aimerait c'est trouver une partition écrite pour orchestre qui, si elle est jouée par des humains, va produire le même son que le son d'origine qu'on va donner au système. Donc ça veut dire qu'il faut des partitions qui soient, on va dire, acoustiquement cohérentes ou... Exactement. Alors, c'est la grande problématique, parce qu'en fait, on peut très simplement décomposer un son comme étant la somme d'instruments, mais d'une manière complètement injouable par des êtres humains. Donc, l'idée, c'est à la fois que la partition soit acoustiquement proche du son qu'on cherche, c'est-à-dire on donne un fichier WAVE, on obtient une partition, mais on veut aussi que cette partition soit humainement jouable. Donc on peut prendre un premier exemple, vous prenez le son de gouttes de pluie. Et vous aboutissez à ceci. En fait, plutôt que de donner un orchestre, vous pouvez d'abord le faire passer par un compositeur en mode d'inspiration. Si. Alors ici, le problème est assez simple, on va dire, parce que cet exemple marche bien, parce qu'en réalité, il s'agit plus d'un exemple de, on va dire, événements temporels qui doivent être résumés d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est que le système va naturellement choisir des pizzicati, ce qui pour nous est une forme de victoire, parce qu'il pourrait mettre n'importe quoi à ces événements. Là où le problème devient vraiment plus intéressant, c'est quand on essaye de prendre des timbres complexes, comme par exemple des cris ou des cloches, et qu'en fait on essaye de reproduire le son d'un cri ou d'une cloche, mais uniquement avec des instruments de l'orchestre. Là, vous considérez que c'est réussi ? Alors là, on s'approche d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette cohérence. Donc, c'est-à-dire que si on écoute uniquement l'orchestre, on a quand même cette sensation de timbre, de cri. Et si on regarde en fait la distribution harmonique, on est quand même très proche. Et l'idée n'est pas non plus une imitation pure. C'est-à-dire que le but de ce logiciel, c'est de permettre d'avoir des propositions qui sont ensuite utilisés par les compositeurs. Donc en fait, ce logiciel, il a déjà été utilisé dans plusieurs pièces qui ont été jouées, notamment à la Philharmonie, au 104, etc., etc. On a eu beaucoup de compositeurs qui se servent en fait du logiciel, non pas comme d'un outil qui va leur produire leur pièce pour orchestre, mais au contraire, qui va leur donner des idées, des intuitions, vis-à-vis d'une couleur qu'ils auraient en tête. Et ensuite, généralement, la beauté de travailler avec les compositeurs, c'est qu'ils vont choisir des choses qui ne marchent pas du tout ou qui n'ont aucun rapport. Et c'est plus vu comme un outil générateur d'idées plutôt qu'un outil imitateur. Mais alors, ça voudrait dire potentiellement qu'il y a des cris plus orchestrables que d'autres ? Alors, oui et non. Je ne sais pas si on peut définir l'orchestrabilité d'un cri. Ou d'un cri. L'idée, c'est quand même qu'on va avoir certains timbres. Par exemple, je prends l'exemple de la voix. La voix humaine non cri est en fait très dure à imiter par un instrument, parce qu'en fait, la voix a une structure formantique. Donc les formants de la voix, c'est en fait des paquets d'informations bruitées qui vont être filtrées ensuite par la bouche. Ce qui fait qu'en fait, c'est extrêmement dur de reproduire vraiment une voix parlée par des instruments. Par contre, on a beaucoup de sons plus harmoniques qui, eux, sont, on va dire, assez, je dirais pas simples, mais qui ont une structure qui peut être plus facilement optimisable. Oui. Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. Philippe Hessling, on n'est pas très loin d'une problématique qui nous vient de la musique spectrale, c'est-à-dire faire jouer par des instruments acoustiques des sons qu'on aura analysés du point de vue de leur spectre. Alors oui, absolument, ici il y a une pensée très, cette pensée très spectrale qui est qu'on va donc pouvoir comprendre le timbre et le son produit par des instruments par rapport à la distribution de leurs harmoniques ou de leurs partiels. Et donc pour faire le parallèle avec la pièce de Gérard Griset par exemple, Partiel, dans laquelle il a utilisé des spectres, la grosse différence c'est que dans la pensée spectrale, en fait dans cette pièce par exemple, chaque partiel a été affecté à un instrument. Mais ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'un instrument contient lui-même un ensemble de partiels. Donc quand Griset utilise cette approche, le timbre résultant de la somme des instruments ne prend pas vraiment en compte tous ces partiels supérieurs. Donc nous, tout le but, c'est justement de prendre en compte l'intégralité du timbre d'un instrument pour comprendre quels sont les mélanges, les additions d'instruments qui vont nous permettre d'obtenir un timbre donné. Donc en ça, je suis d'accord, il y a une pensée très, très couleur instantanée, donc un peu quelque chose d'assez fallacieux où on va geler le temps dans une espèce de distribution qui s'étale à l'infini. Extrait de Partiel de Gérard Griset. Philippe Hessling, si vous pouvez donc, comme on l'a entendu tout à l'heure, produire une texture orchestrale à partir d'un cri ou de gouttes d'eau, vous pouvez aussi générer des audios sans input ? Alors exactement, l'idée là, c'est on va chercher maintenant à comprendre le phénomène sonore, on va dire au niveau le plus bas possible, c'est-à-dire celui de la vibration acoustique. Donc très simplement, on va dire l'audio d'une manière générale, c'est juste un déplacement des particules d'air qui est transmis de proche en proche. Et donc quand on va enregistrer par exemple avec un micro, ce qu'on va recevoir c'est cette onde de pression. Et donc la manière dont cette onde de pression bouge, c'est aussi un phénomène mathématique. Donc la question qu'on s'est posée il y a quelques années avec un compositeur, donc Daniel Eguizi, qui a fait une pièce magnifique, je trouve, c'était est-ce qu'on peut construire un modèle qui serait capable de travailler directement au niveau de la forme d'onde. Donc on a travaillé sur un modèle qui avait été fait à l'Université de Montréal en 2016. Et l'idée, c'est que ce modèle apprend à reproduire des formes d'ondes en écoutant des formes d'ondes. Donc ce qu'il va chercher, c'est vraiment à comprendre le phénomène acoustique d'un domaine particulier. Donc on commence l'entraînement avec une machine qui a des poids aléatoires. Et puis jour après jour, en fait, elle va s'entraîner et apprendre. Donc par exemple, ici, on l'entraîne avec de la voix, donc au bout d'un jour... Elle essaye de créer des événements. Au bout de deux jours, là, le modèle a appris à se taire, ce qui est très intéressant. Parce que après, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Après plusieurs jours, en fait, donc on continue l'entraînement comme ça avec des. C'est pas la pire, c'est le mauvais choix, je vais réagir aussi, c'est un déchanteur qu'on arrive, il fallait pas me garder le shampoing. Puis ça va être un feu en jeu, que le croix, ce serait, je suis prêt, je vous demande ça, ça va être un seul, sinon, il faut au moins aimer mon père, la fille de la boule, ou bien quoi, que prenez de moi, c'est un seul gros, c'est une humaine. Je me fais, on va rendre bien, on va marduire, pas ça, t'es quand même. Donc ici c'est entraîné avec de la voix, mais nous le but dans cette pièce était de... Donc c'était un reboot de Frankenstein. Et ce qui était intéressant pour Daniele, c'était d'entendre ce processus d'apprentissage. Non pas d'avoir une machine qui apprend et ensuite qui génère, mais d'écouter la manière dont se déroule cet apprentissage. Et donc au final, dans cette pièce, on va avoir du chant d'opéra. Donc on a fourni énormément d'opéra à la machine et après une semaine d'entraînement, ça nous donne ça. Mais le modèle, il ne peut pas se développer tout seul à l'aveugle. Il a besoin d'avoir des modèles lui-même. Oui, exactement. Donc, c'est fonction de ce qu'on va montrer, fonction vraiment de ce qu'on va donner à apprendre au modèle, on va obtenir des résultats complètement différents. Toujours cohérent d'un point de vue, on va dire, du rendu sonore. Donc, c'est quelque chose qui est acoustiquement cohérent, mais qui va être entièrement dépendant du corpus, de l'ensemble des fichiers qu'on va lui donner. D'accord, d'où le recours à Schubert ? Oui, c'était... Pour Daniel Eguizi ? Là, c'était plutôt dans les expériences. Donc Daniel n'a pas utilisé les résultats qu'on a obtenus avec l'ensemble de Schubert. C'est-à-dire qu'on a donné énormément d'œuvres enregistrées de Schubert pour voir s'il était capable de reproduire carrément la complexité orchestrale au niveau de la forme d'onde. Ça veut dire que si vous pouvez aller du bruit le plus infra-bruiteux vers de la musique, vous pouvez quand même aussi aller de la musique à la musique ? C'est un peu les différentes directions justement qu'on espère explorer. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est des recherches qui sont, on va dire, légèrement décorrélées. Donc on a d'un point de vue purement symbolique la compréhension du symbole. Et d'un autre côté, on a la compréhension de ce que fait vraiment l'onde de pression. Et donc ce qu'on aimerait, c'est pouvoir lier ces différents niveaux de compréhension pour pouvoir en fait effectuer des transformations à tous les niveaux possibles. Alors vous avez par exemple réussi à transformer un chanteur en violon. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Voilà, donc alors ça c'est un modèle qui a été proposé par Jesse Engel, et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, en fait, il va apprendre à synthétiser un violon. C'est vraiment un modèle de synthèse à la base, et il apprend à synthétiser ce violon à partir d'énormément d'enregistrements de violon. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc une voix, et on va utiliser cette voix comme entrée du même système. Mais comme le système apprend à générer un violon, il va en réalité transformer la voix automatiquement. Donc on n'a presque aucune modification à faire pour pouvoir contrôler ou piloter un violon à partir de la voix. Donc il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. C'est assez récent, ça fait un an ou deux en fait, qu'on appelle ça le problème de la translation, de la traduction musicale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre un fichier WAVE ou un enregistrement quelconque et juste pouvoir changer l'instrument directement pour réobtenir un autre fichier WAVE avec une qualité suffisante? C'est-à-dire que ça permettrait notamment de faire de la restauration automatique de son aussi? Oui, ça pourrait effectivement permettre de restaurer des enregistrements. Ça pourrait permettre aussi, moi je pense, de faire des choses qui seraient très intéressantes, notamment vis-à-vis des systèmes de rendu orchestraux. Parce qu'actuellement, ce qu'on a, c'est donc le MIDI qui est un peu, on va dire, bon, ça fait légèrement saigner les oreilles d'écouter n'importe quelle œuvre orchestrale avec un système de rendu MIDI. Donc ce qu'on espère, c'est aussi améliorer les systèmes de synthèse d'instruments orchestraux, et aussi même d'aller jusqu'à pouvoir personnaliser en fait. Ça c'est quelque chose que je trouverais passionnant, que de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir écouter les mêmes œuvres, mais en modifiant complètement l'orchestration, et se rendre compte qu'en fait ça n'a absolument aucun sens dans certains cas de changer d'instrument. Vous avez donc comme ça pu créer des chanteuses d'opéra rien qu'à partir d'un instrument? Alors pour l'instant, on n'a pas encore fait l'opération inverse, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Donc, je pense que là, donc cette recherche est très très très récente, on va dire. Ça date d'il y a 2 semaines. Donc je dois avouer que là pour l'instant, on est juste tous en train de réécouter le même échantillon en se serrant les mains et en disant... qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Mais dans le futur, effectivement, je pense que l'idée, ça serait de pouvoir permettre d'aller de n'importe quel domaine vers n'importe quel autre domaine. Donc évidemment, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais on espère y arriver. Léopold et Christelle, c'est quoi vos étapes suivantes, notamment qu'est-ce que vous faites au sein du Sony CSL? Ouais, donc là, ce que je fais au sein de Sony CSL, je continue à travailler... Ben, un peu sur la même question d'orchestration, mais donc en gros, donc là mon travail c'est sur ce qu'on appelle des algorithmes non supervisés, donc c'est vraiment la même problématique, j'essaie de faire de l'orchestration, j'essaie de travailler sur des chorales de Bach, ce genre de choses, mais en gros le constat c'est que, comme c'est des modèles très puissants, je pense qu'en gros les échecs un peu auxquels je suis confronté pour l'instant en orchestration, c'est principalement dû au fait que j'ai pas suffisamment de partitions et d'exemples pour apprendre. Donc là, en gros, j'essaie vraiment de travailler sur comment faire pour utiliser un maximum de données, et notamment quelque chose de possible, ce serait d'utiliser des partitions d'orchestration sans avoir les partitions pour piano correspondantes, et de juste déjà apprendre sur ces partitions pour orchestre, ce que c'est une structure d'orchestre, comment s'agencent les différents instruments les uns avec les autres, quelles sont les spécificités d'une écriture orchestrale et ce genre de choses. Donc là, en gros, l'intérêt de ces techniques, c'est que je peux les entraîner, donc ce que je disais, sans avoir les partitions correspondantes pour piano. Et là, dans ce cas-là, j'ai un corpus beaucoup plus grand à disposition. J'ai toute la musique orchestrale classique qui a été écrite. Alors, en attendant, on peut, par exemple, écouter ce que vous avez fait avec un prélude de Chopin pour boucler avec le début de l'émission avec David Kopp. Comment est-ce qu'à partir d'une partition pour piano, donc vous avez généré une orchestration ? Vous êtes plus loin alors, Léopold Cressel, de pouvoir générer du Chopin automatique ? Alors, si, quand même un peu, parce que là, donc toute la partition pour piano, c'est pas moi qui l'ai générée. Et on revient toujours à ces problèmes de générer une pièce avec une cohérence long terme. C'est encore quelque chose de très difficile pour les algorithmes. Toujours cette tenue du discours qui pose problème. Ouais. Ouais. Donc là, c'est vraiment juste. Oui, là, c'est que l'orchestration qui est réalisée à partir de la partition pour piano. Donc. Générer du Chopin en entier, oui, c'est encore un peu plus difficile. Enfin, ce serait comme deux étapes qui peuvent être factorisées en deux choses différentes. Ce serait comme générer la partition pour piano dans le style de Chopin et ensuite réaliser l'orchestration. Donc moi, je me concentre surtout sur réaliser l'orchestration, mais ouais, la première partie. Mais quels sont les enjeux ou les fantasmes de potentiel industriel qui peuvent être projetés sur ce type de recherche ? Alors justement, ouais, ça c'est intéressant qu'on en parle. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'applications plus ou moins belles. Moi, je trouve que des choses qui m'intéresseraient beaucoup et que j'aimerais beaucoup voir, c'est donc sur les algorithmes de génération automatique, un peu ce qu'on a vu au début, donc avec la génération dans le style de Bach. Je trouve qu'il y aurait plein de choses à faire, par exemple dans la musique de jeux vidéo, ce genre de choses, où on pourrait avoir des thèmes qui se développeraient à l'infini, qui seraient jamais vraiment les mêmes, qui seraient un peu toujours modifiés avec des légères variations. Donc ça, je trouve que ce serait hyper intéressant, ou des choses qui évolueraient en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Donc en gros, toutes les applications qui seraient jeux vidéo ou un peu même installation artistique ou ce genre de choses, où on aurait quelque chose qui génère des musiques de manière un peu infinie et leurs variations. Donc après, il y a des choses plus... Un peu plus mercantile, qui serait par exemple pour de la musique de film, essayer de... De générer gens... automatiquement à partir des ambiances émotionnelles des images, ouais, des choses comme ça. Pour gagner la tête des personnages. Même pour gagner du temps en production, ce genre de choses. Oui. Bon, ça, pourquoi pas, mais après, je sais pas à quel point c'est intéressant. Et après, moi, je pense qu'il y a c'est un peu un lieu commun, mais un exemple qui est souvent pris dans l'histoire des technologies musicales, c'est la... TB-303, c'était les instruments qui étaient faits par Roland dans les années, 80-90, un truc comme ça, qui étaient des instruments de musique électronique qui avaient été inventés pour imiter soit des batteurs, donc des percussions, soit des sons de guitare basse. et qui en gros ont été complètement détournés de leur usage primitif, et enfin de leur usage pour lequel ils avaient été pensés par les concepteurs, et qui en gros a été utilisé pour toute la scène techno, la naissance de, enfin même la house ou plein de styles de musique électronique. Et moi je pense que là il y a aussi un vrai truc à faire. Enfin, quand j'écoute les résultats de mes algorithmes, je me dis souvent genre bon bah c'est pas ok, on est pour le côté pastiche de d'un compositeur, c'est voilà, c'est marrant, mais c'est peut-être un peu limité. Mais par contre, dans un usage plus expérimental, un usage un peu détourné ou ce genre de choses, si jamais je le donne à un compositeur qui le creuse vraiment, qui arrive à en sortir des choses un peu inédites, bah là, je trouve que ça a un vrai intérêt. Et je pense que c'est là l'intérêt principal, en fait. Sinon, vous n'êtes pas très loin de pouvoir inventer un transcripteur automatique, de même qu'on a des traducteurs automatiques. Ouais, alors la tâche de transcription, c'est encore c'est un peu différent. Il y a des gens qui font ça, il y a tout un domaine de recherche en transcription automatique, ouais, et c'est super intéressant. Et là, pour le coup, ça a un côté très, très défini, dans le sens où, voilà, il y a une entrée, une sortie, on veut juste retrouver les notes qui ont généré cette musique-là. Philippe Hessling, sur les potentiels industriels. Alors justement, moi j'aimerais bien insister ou marteler une notion, parce que généralement c'est un peu la grande peur qui vient avec l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique. Ces outils ne sont pas des outils de remplacement. Et, ces outils n'ont aucun intérêt en soi comme générateur ex nihilo de matériau musical. Si on regarde d'ailleurs en fait toutes les grandes œuvres soi-disant faites par intelligence artificielle qu'on voit récemment, donc que ça soit la fin de la symphonie par Huawei, ou alors le fameux premier album en IA qui n'est pas du tout le premier album en IA, on verra toujours que en fait il y a un compositeur qui généralement d'ailleurs est un compositeur qui a gagné énormément de prix qui est cité dans la réalisation de l'album, ce qui montre qu'en fait ces technologies déjà n'ont en soi pas vraiment la capacité encore de générer des choses qui ont la même qualité que, on va dire, les grands compositeurs. Et surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans toute l'histoire des outils technologiques, c'est généralement, ça a toujours été fait pour le remplacement, donc que ça soit les boîtes à rythme vis-à-vis du percussionniste. Je prends souvent l'exemple de, par exemple, la photo qui est arrivée, ça n'a pas été la mort du peintre. À l'époque, on disait que c'était peut-être la mort du peintre. Mais maintenant, on a toujours des peintres et des photographes. Puis... Mais par contre, ça déplace quand même. Enfin, je veux dire, dès lors, le cubisme arrive pas longtemps après. Exactement. Ça déplace le geste créatif. Quand Léopold dit « c'est toujours bien quand il y a un compositeur qui est là pour détourner », ça veut dire que le compositeur n'est plus là pour composer. Il est là pour mettre l'accent créatif à un autre endroit. Si, justement, moi, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est de créer ce qu'on appelle des outils de co-créativité. Ça veut dire quand on invente un nouvel outil technologique, il va permettre de dépasser ou il va mettre la barre de la capacité créative à un nouvel endroit. Et donc, ça va forcer à redéfinir. Donc, forcément, c'est un mouvement de changement. Donc, le changement, des fois, ça peut faire peur. Mais l'avantage, c'est que ça nous permet d'aller au-delà de tout ce qu'on a été capable de faire jusqu'à ce moment-là. Et donc, la créativité humaine des compositeurs, elle sera toujours là. Elle sera toujours, justement, je pense, propulsée par ce genre d'outils. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'obtenir cet état dans lequel un outil devient vraiment en co-créativité avec son utilisateur. Et permet en fait d'ouvrir des scènes sonores, des paysages de l'audible qui sont complètement inédits. Ouais, d'ailleurs, juste par rapport à ce que tu venais de dire, quelque chose qu'on n'a pas trop précisé, c'est que nous, par exemple, le cœur de mon travail quand je design des algorithmes ou ce genre de choses, c'est d'avoir du contrôle dessus. Au début, on a fait écouter des exemples de bacs générés de manière non conditionnée. Ben, on donne ça à un compositeur, ça l'amuse 2 minutes, il peut faire un peu du pastiche de Bach, ok, c'est intéressant. Mais je pense que le point essentiel dans tout le travail qu'on essaie de réaliser, dans tous les algorithmes qu'on essaie de construire, c'est que le compositeur puisse avoir du contrôle, qu'il puisse modifier le comportement de l'algorithme. Il faut qu'il y ait cette interaction possible avec l'algorithme. Sans ça, c'est pas intéressant pour un compositeur. Et il n'y a aucun usage créatif possible. L'algorithme n'est pas créatif en lui-même, c'est l'usage qu'on en fait. Mais est-ce qu'un compositeur avec lequel vous dialoguez, ce qu'il vous dit de ce qu'il comprend de l'algo, c'est pas bourré de biais inductifs ? Si, et c'est ce qui est très intéressant en fait, c'est que moi, toutes mes expériences avec les compositeurs, beaucoup d'expériences avec mes compositeurs ont été extrêmement intéressantes et révélatrices, parce qu'en général, la première chose qu'ils font, c'est d'essayer de faire en sorte que ça ne marche pas. Et donc, ils vont prendre un modèle qui est capable de générer des choses magnifiques, et ils vont le pousser jusqu'à ce qu'il fasse n'importe quoi. Et c'est justement ce genre de mode d'échec qui vont plus les intéresser. Et ça, enfin, ça rejoint énormément le courant actuel, qui est donc un courant, par exemple, du drone, de la noise, ou des saturateurs, ou ce genre de courant qu'on voit énormément, qui est justement d'atteindre des parties qui, de toute façon, on va dire, dépassent tout biais inductif possible. C'est un peu le réflexe de faute d'arriver à se satisfaire de ce que nous donne, par exemple, une enceinte connectée, on se fait un plaisir de la faire bugger. Exactement. Et c'est ce que je trouve intéressant. Justement, on voit là la différence entre, on va dire, une créativité par imitation que nous propose la machine, parce qu'en réalité, réentendre encore et encore du Chopin, c'est quelque chose qu'on fait, j'ai envie de dire, très tôt dans les classes de composition. On va demander ce genre d'exercice, mais c'est pas ce qu'on attend d'un vrai compositeur. Donc c'est justement là où se fait toute la distinction, que ce genre d'algorithme, s'il n'a pas de biais inductif, va nous permettre de l'emmener à des endroits complètement farfelus. Et c'est ça qui nous intéresse. Ouais, c'est un outil d'exploration, quoi. Mmh. Merci beaucoup, Philippe Estling. Merci beaucoup, Léopold Christel. Merci. Merci.